Les scientifiques qui ont contribué à la réussite au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14 se sont rentrés le 13 courant au terme des cérémonies d'invitation à Pyongyang. Les citadins leur ont souhaité bon voyage avec les drapeaux de la République, les fanions rouges et les bouquets de fleurs dans plusieurs lieux depuis l'avenue universitaire, le pont Hongnyo et l'avenue Mansudae jusqu'à la place devant le palais des sports de Pyongyang.